j'aurai mes charmes afin de te retenir. J'arrêterai le temps pour toujours te regarder. J'arrêterai à temps tout ce qui te ferait pleurer. Mais c'est là. Si je n'avais pas compris.